La sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue, cher public, à une toute nouvelle édition de l'émission Anarcho Post-Saint-Valentin sur les ondes de C'est fou 89.1 en compagnie du chocolaté Lucas Hubert. Bonjour. De notre invité spécial David Ferron. Salut. Et de moi-même Sébastien Gertin. Aujourd'hui, à l'émission, on vous parle de laïcité à la française, de sexe trumpien et de publicité sur les médias sociaux. Mais avant, comment s'est passée ta semaine, Lucas? Ma semaine, ça a bien été. Je suis fatigué, là, mais ça a bien été. Mais la semaine est fatigante, hein. J'ai raccourci un peu l'actualité, là. J'ai vu passer, par exemple, hein, l'aile jeunesse du NPD fédéral, hein, qui a demandé au NPD de refuser d'appuyer toute demande concernant les pipelines au Canada. Fait que j'étais comme, bravo, le NPD se tient debout jusqu'à ce que leur chef dise, ben non, on doit, en tant que parti de gauche au fédéral, hein, réconcilier les demandes environnementales et les droits des travailleurs. Oh. Ouais. Hein? Mais sinon, hey, bonne nouvelle, la Commission américaine du commerce international, c'est l'espèce de d'école américaine, si on veut, de l'Organisation mondiale du commerce, donc qui légifère sur les conflits. Les conflits commerciaux à l'international, oui, ont finalement donné raison à Bombardier dans le conflit contre le gouvernement américain, ce qui invalide automatiquement la taxe de plus de 200% que la Maison-Blanche avait passée contre Bombardier pour faire plaisir à l'entreprise américaine Delta. Donc, Delta, ça va forcer Delta à acheter les avions de la C-Series canadienne. En fait, c'était pas pour faire des pressions sur Delta, c'était Boeing qui était pas content. Oui, je m'excuse. Puis Delta voulait acheter des C-Series au lieu d'acheter des Boeing. Puis le Boeing, en fait, ouais, mais ils ont été financés par le fédéral canadien. Fait exact, quoi. Exact. Sauf que la commission en question force Delta à faire l'achat finalement, parce que là Delta, pour pas trop faire de peine aux autres, avait dit ah ben on va attendre que, tu sais, l'espèce de fusion pour la C-Series entre Airbus et Bombardier, que ce soit fini, comme ça les C-Series qu'on va acheter vont avoir été faits par les deux. Mais finalement la commission dit non, il y a un contrat de signé, vous avez pas de raison de pas prendre les avions faits 100% canadiens. Donc hein, si Bombardier va bien, on sait qu'est-ce que ça veut dire, l'économie va rayonner là. Hey, ça va ruisseler sur nous autres tout à l'heure, ça là. Ouais, c'est ça, hein, c'est des vraies petites gouttes. Sinon, en France, il y a un autre débat à propos de... j'ai appris, en fait, avec cet article-là que j'ai... Non, je ne suis pas d'accord. C'est moi qui apprends des affaires dans le tour de table. Ah? Tu n'as pas le droit d'apprendre des affaires dans le tour de table. Mais, je vais le faire pareil. En France, il n'y a pas d'âge minimal de consentement. L'âge minimal de consentement, en gros, c'est l'âge à partir duquel, légalement, tu peux consentir à une relation sexuelle. Hein? Fait que c'est un des seuls pays occidentaux où ça n'existe pas. Bon, on s'entend que si tu fais une agression sexuelle, ça reste une agression sexuelle, mais tu as le droit de simplement dire que la jeune dame était consentante, puis ça règle les problèmes. Sinon, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un scandale parce qu'il y a eu justement des attouchements sexuels envers un homme de 29 ans sur une fillette de 11 ans. Et la juge en cour a simplement dit que là, c'est pas vrai qu'on va essayer de caricaturer ça, là, la jeune fille innocente contre le méchant prédateur sexuel. Là, elle avait quand même 11 ans, elle savait ce qu'elle faisait. Hein? Ben ouais. Oui, parce que c'est connu, tu sais, à 11 ans, on est pleinement responsable de tous nos actes et de... Et effectivement, donc c'est ça, ils sont en train de légiférer pour mettre un âge minimal de consentement. Il y a un débat à savoir si ça devrait être 13 ans ou 15 ans, mais ça va jouer dans ces eaux-là. Tout, vous donner une idée, au Québec, l'âge minimal de consentement, c'est de 16 ans. Puis il y a des mais alentour de ça. Par exemple, en bas de 16 ans, c'est légal quand même. Le consentement est légal si il y a une différence d'âge de moins de 5 ans entre les deux protagonistes. C'est 2 ans, en fait. Pour 2 ans, c'est si la personne a, excusez, je l'ai ici, à 12 ou 13 ans. Ah, OK. Entre 14 et 15, c'est 5 ans. Fait que voilà. C'est un exemple de les lois qui sont par rapport à ça ailleurs dans le monde. Puis j'étais quand même surpris d'apprendre que ça n'existait pas en France. Mais c'est ça, concernant la France, ma question, c'est qu'on dirait que la question des... En fait, si on prend le cas de Catherine Deneuve notamment, c'est un exemple parmi tant d'autres, ça donne l'impression que c'est une question particulière, en fait, l'abus sexuel, le consentement sexuel, tout ce qui est le rapport au consentement et au respect sexuel en France, à moins que je me trompe et que je propage un préjugé flagrant. Il y a d'autres mœurs. Oui, c'est ça. C'est comme le fameux amour courtois français que Lucas... c'est drôle, on en parlait en préparant l'émission, justement, là... La drague à la française, justement, qui était défendue par l'actrice, là, dans lequel, la caricature, justement, que l'homme est très entreprenant et il y met harceleur, là. C'est pas juste ça, c'est qu'il y a quand même un fond culturel français. Par exemple, je crois que c'est le Figaro ou le Nouvel Observateur qui avait republié il y a 2 ans une lettre ouverte qui avait été publiée dans les années 50, si je me souviens bien, signée là, par tous les grands intellectuels français des années 50, Sartre, Simone de Beauvoir, il y avait Georges Bataille, name it. C'était une lettre ouverte pour dire qu'il faudrait légaliser la pédophilie. Ouais, c'est d'autres mœurs. On était en pleine vague surréaliste. C'était des arguments un peu psychanalytiques. C'est ce genre de boîte-là qui a très mal vieilli. Je dirais aussi qu'en fait, les premières manifestations pro-gays de la part d'un mouvement homosexuel à la fin du 19e siècle, il y avait aussi un mouvement pédéraste qui était relié. Malheureusement, ça donnait comme ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais dans les mouvements de défense de la liberté gay, il y avait aussi justement un mouvement pro-pédéraste. Oui, c'est souvent ce qui prenait pour illégaliser l'homosexualité. Justement, en Angleterre, justement, il liait en fait la question de l'homosexualité à la question de la pédérastie. Parlant de pédérastie, oui. en fait, ça n'a aucun lien, mais moi, j'ai appris plein de choses cette semaine sur un sujet complètement différent. En fait, j'ai appris que nos médecins spécialistes font pitié. Ils gagnent seulement 35 000 $ par année de plus que les médecins ontariens. C'est triste. C'est probablement pour ça que notre gouvernement provincial a décidé de leur octroyer une hausse salariale de près de 35 %. Ça m'est resté dans la gorge un petit peu. ça va coûter à peu près 1 milliard. Fait que c'est le fun que finalement Delta achète des C-Series canadiens parce que on va avoir besoin d'un milliard de plus pour payer les médecins. une autre chose que j'ai apprise en fait en lien directement avec ça, c'est que malgré les problèmes de financement et le rallongement des attentes à l'urgence et pour différentes choses dans le système de santé, il y a toujours un peu plus d'argent pour la gang à Couillard et Barrette. Parce qu'on s'entend, les deux grands, notre ministre de la Santé et notre premier ministre, c'est des médecins spécialistes à la base. Ils pensent peut-être un petit peu à leur retraite sans faire de... C'est pas on fera pas de tribunal d'intention, là, mais... Je tiens juste à dire que la semaine passée, j'avais parlé de la caricature qui faisait un gag que pour régler le problème des infirmières dans le système de santé, ils donneraient une prime aux médecins. Je veux juste dire qu'on a fait comme ça en gag la semaine passée. C'est magnifique. Ouais, c'est on dirait qu'ils ont vu la caricature puis qu'ils ont fait « Hey, c'est une bonne idée, on va faire ça! » C'est un peu triste. Sur une note plus légère, après avoir parlé de pédophilie et de plein de choses, sur une note plus légère, j'ai appris que des Note 8, des Galaxy Note 8 de Samsung, ça peut créer des incidents diplomatiques. En fait, je fais référence à la nouvelle selon laquelle le CIO, le Comité international olympique, donnait des Samsung Note 8 aux athlètes, une gracieuseté de la compagnie Samsung, qui est le commanditaire technologique officiel des Olympiques, fournisseur d'écran et ainsi de suite. Par contre, les athlètes iraniens et nord-coréens n'en ont pas reçu à cause que le CIO a eu peur, parce qu'il y a certaines sanctions internationales sur les objets de luxe qui fait qu'on ne peut pas exporter des objets de luxe en Iran et en Corée du Nord. Fait que là, pour se sauver de ça, le CIO a juste fait on ne s'en donnera pas. Par contre, ça a créé un incident diplomatique parce que les Iraniens étaient pistes, les Nord-Coréens aussi. Finalement, le CIO a dit « Bon, on va vous en prêter, il va falloir que vous les redonniez à la fin des Olympiques. » Les athlètes ont fait « Ben, mangez donc de la... » Puis on les prendra pas vos téléphones. Fait que, c'est ça. Incident diplomatique, boycott, ainsi de suite. Fait que, malgré le sport puis tout ça... C'est un peu tard, boycotter des jeux qui sont déjà commencés, par contre. Ils boycottent ils boycottent les produits Samsung. Là. Ah, OK. Puis ce qu'on oublie, en fait, c'est que l'Iran, apparemment, il y a une grosse partie de l'importation qui se fait en Iran, que ça vient de Samsung, en fait. Fait que c'est un peu spécial. Bref, ça pour dire que on va aller en chanson, je pense. Bien sûr, avec Alain Bachung et les résidents de la République. Alors, c'était Alain Bachung avec Résident de la République, et c'est très drôle parce qu'en fait, on va parler de la République française, Lucas. Encore et toujours. Oui. Ou de la Macronie, comme on aimerait l'appeler parfois. La Macronie, ouais, il y a des gens qui seraient un petit peu trop découragés de nous entendre dire ça. On les salue d'ailleurs. Oui, on va parler de laïcité à la française, comme on entend souvent parler. Il y a des nouvelles à propos de ça. Le président de la République veut, et là c'est une vraie citation, là, veut poser les jalons de toute l'organisation de l'islam de France. En gros, il trouve que l'islam c'est un peu problématique, fait que c'est l'État qui va décider comment ça devrait fonctionner. Parenthèse, quand on parle de laïcité, laïcité veut dire que le pouvoir politique ne se mêle pas du pouvoir religieux et vice-versa. Fin de la parenthèse. Ouais. Je vais citer Macron. Il dit « Ce qu'il veut faire, c'est un travail sur la structuration de l'islam en France, qui est la condition même pour que vous ne tombiez pas dans les raies de division de votre propre religion et de la crise qu'elle est en train de vivre sur le plan international. Ce sera un travail moral, philosophique, mais aussi d'organisation qui est indispensable. » Moi, j'ai arrêté de suivre la citation à « raies de division ».« Raies de division ouais. ». Effectivement, donc c'est un peu drôle, surtout que, en fait, ça contrevient un peu à l'idée justement de la laïcité à la française qui est censée être non, l'État, faut pas qu'elle touche à la religion, il faut pas, puis tu sais, souvent, on sait ce qu'on y fait dire à cette version de la laïcité-là, c'est que, ben en fait, hein, c'est un État qui prône de l'athéisme carrément, puis là, ben on se ramasse avec l'État qui s'occupe de théologie, en fait. Ben oui, c'est ça. En fait, lui-même a dit, il comparait au travail qu'il voulait faire à un concordat. Un concordat, là, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est un traité entre l'État et l'Église pour qu'ils s'entendent sur des choses. Genre, c'est quelque chose d'extrêmement désuet. C'est un peu comme si Macron se donnait à lui-même l'autorité de faire un conseil, mais au lieu d'être un conseil catholique, c'est un conseil pour l'islam. En fait, c'est un peu semblable à quand le moi, je trouve le vrai parallèle, c'est Henri VIII, quand il a fondé l'Église anglicane. Il n'était pas content des règlements de la foi catholique. Entre autres, il voulait pouvoir divorcer. Ben, il a fait « Hey, m'a fondé ma propre branche de la chrétienté, puis ben, le Vatican mangeront de la... » Fait que j'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Là. C'est Macron qui dit « Ben là, moi, je suis pas content avec les islams, là, ils font. Là. Fait que hein, on va fonder le nôtre. On va avoir notre propre islam à nous autres. » Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que, bon, hein, il veut faire un concordat. C'est censé être un traité, hein, quelque chose de même. Mais avec qui il va négocier ça? Je veux dire, oh, c'est facile, un concordat avec l'Église. Tu jases avec le pape, mais c'est décentralisé, l'islam. C'est comme dire hey, « Est-ce que je peux parler au chef des protestants, s'il vous plaît? » Ben, il y a le chef d'Iran, là. S'il veut jaser avec les chiites, là, ça peut... Je suis pas sûr que ça soit ça. Puis, tu sais, bon, une des raisons pourquoi il veut faire ça, en fait, c'est que il y a beaucoup de grogne comme quoi que les mosquées en France seraient financées par des États étrangers. Donc, il dit que ça devrait être l'État français qui s'occupe de ça. Les États étrangers n'ont pas à financer, disons, des mouvements spirituels en France. Puis bon, il veut se baser un peu sur le modèle allemand. Puis je vais en parler un peu plus en profondeur. Mais l'affaire qui est très importante de penser, c'est que le modèle allemand est comme ça, mais avec toutes les religions, pas avec une religion. Ce qui se passe en Allemagne, c'est que quand tu fais tes impôts, ton recensement, tout ça, tu dois inscrire sur ton impôt c'est quoi ta religion. Et sur ton imposition annuelle, ils vont t'enlever un pourcentage qui va être la dîme obligatoire si tu es religieux, en gros. Fait qu'ils n'ont pas le droit, les organisations religieuses en Allemagne n'ont pas le droit de quitter de l'argent, n'ont pas le droit de faire de dîme, n'ont pas le droit de... Leur financement vient de l'État et c'est les citoyens directement, ou ben, plutôt indirectement, qui les financent. Donc l'État ne se mêle pas de la religion en Allemagne, mais c'est lui qui organise, on veut, la redistribution de l'argent. Puis ce qui est très drôle, c'est que, pour l'anecdote, quand ils ont mis ça en place, l'année, il y a eu une explosion du nombre de gens qui se déclaraient athées parce qu'ils n'avaient pas besoin de payer de l'impôt pour les organisations religieuses à cause de ça. C'est quand même très drôle. Est-ce que, moi, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'en fait, ça me semble un système assez intelligent. Ça prend, parce que le côté de la dîme et tout ça, en fait, ça reste du temporel, dans le sens que c'est de la... Bon, c'est des finances, mais on pourrait dire que c'est un pouvoir politique, c'est un pouvoir non religieux, en fait. Donc, l'État s'occupe de ça, redonne cet argent-là aux institutions, puis là, ben là, eux autres décident de leur foi, leurs exiges, d'acheter des crucifix ou d'acheter ci, des chandeliers ou peu importe. Puis ils s'arrangent avec ça. Fait que tout le monde est content quelque part. Moi, j'ai une question, en fait, qui a vraiment pas tant rapport, mais est-ce que tu peux... Parce que je sais qu'il y a dans le monde, mettons comme aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se déclarent en fait de foi Jedi. Je me demande si en Allemagne, il y a du monde qui font ça. Et le cas échéant, qui est-ce qui ramasse l'argent à la fin de l'année? Lucasfilm ou Disney? Ben, c'est ça pas, la question. Hein? Ben, indirectement Disney, c'est sûr, parce que Lucasfilm appartient à Disney maintenant. Mais, C'est ça. Mais de manière générale, ce qui est très drôle, là, pour revenir à la question de la France, c'est que ben il y a une espèce d'idolâtrie, si on veut, sur ce qu'on appelle la loi de laïcité de 1905. Hein, c'est la loi un peu qui a fondé la laïcité comme on la connaît, puis qui a posé les bases de la séparation entre l'Église et l'État. Puis ça, ben, c'est justement des gens très à droite, des gens très identitaires, ils tiennent à la loi de 1905 pour bon, les raisons qu'on connaît, parce que ça donne une bonne raison pour parler contre la religion. Sauf que là, c'est que pour faire ça, ben Macron a lui-même dit « Ouais, ça se peut qu'on abroge la loi de laïcité de 1905 pis que, ou qu'on la réécrive. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. » Ben non, mais c'est un projet. C'est le fun. Macron a des projets maintenant. Ouais. C'est nouveau. Hein, on n'en revient pas. Ouais, c'est drôle d'ailleurs parce que ceux qui se réclament de la fameuse loi de 1905, souvent, c'est les athées les plus violents et les plus radicaux qu'il n'y a pas. Souvent, si tu regardes ça, en fait, c'est là encore ce qu'ils disent, c'est que si tu fais du militantisme athée, entre guillemets, t'es pas en train d'être laïque. Si tu essayes de si tu utilises, dans le fond, tu milites pour retirer la religion dans quelque part ou limiter l'exercice de la religion de quelqu'un, t'es pas en train, techniquement, d'agir en laïque, t'es en train d'agir en athée actif militant. C'est pas la même chose. Et souvent, ça tombe, en fait, complètement contradictoire avec cette loi-là, mais... Bon, c'est un peu comme plein de choses, hein? Combien de gens parlent contre l'islam, puis contre le Coran, puis ainsi de suite, et n'ont juste jamais vraiment lu ça. C'est un peu la même chose avec cette loi-là. C'est comme les défenseurs de la loi 101 qui n'ont jamais lu la loi 101, en fait, qui ne pourraient même pas vous dire le vrai titre de la loi. Je ne le dirai pas parce que je ne leur répondrai pas, je leur donnerai pas, je soufflerai pas la réponse, mais ça reste que c'est un peu la même chose, là. C'est... Ben, ce qui me fait rire, c'est surtout, ils vont se baser sur quoi pour réécrire une religion? Des gens qui ne sont même pas de cette religion-là, ils vont se baser sur les valeurs française. C'est quoi ça? C'est-tu un peu comme si le Canada décidait de réformer le bouddhisme pour forcer les bouddhistes à manger du bœuf canadien parce que hein, c'est nos valeurs puis c'est bon pour l'économie? T'sais, on n'a pas l'autorité pour Surtout que, là, j'ai pas les chiffres exacts, mais la majorité des musulmans qui sont en territoire français sont d'origine maghrébine et la majorité des maghrébins sont des musulmans sunnites. Les sunnites sont un peu comme... C'est les sunnites, hein? En tout cas, c'est ceux qui sont un peu comme les... si on fait un peu la comparaison avec la chrétienté, ben les catholiques, c'est un peu comme les chiites, c'est-à-dire qu'il y a comme plus une hiérarchie cléricale, il y a vraiment un dogme un peu plus établi puis tout, tandis que chez la plupart des protestants du côté chrétien, donc un peu la même chose comme chez les sunnites, c'est vraiment plus une interprétation personnelle que tu fais de ta foi. Et l'imam, au lieu de représenter comme une autorité religieuse, représente plutôt un guide à travers de ça. C'est-à-dire qu'il t'aide à découvrir pour toi c'est quoi être musulman. Ou comme dans le cas de chez dans la plupart des religions protestantistes, ben les pasteurs servent un peu plus à dire ben ok, t'amener à pour toi ça veut dire quoi être chrétien. Et plutôt de dire ben le dogme c'est ça, être chrétien c'est aller à la messe à tous les dimanches, c'est faire ci, c'est faire ça. C'est comme un animateur, ben c'est pas tout à fait ça, mais dans l'esprit d'un animateur pastoral d'une certaine manière. Ben c'est ça, ben comme mettons, ben, là nous autres on a des référents un peu plus catholiques justement parce que traditionnellement au Québec c'était plus catholique, fait qu'il y avait une distinction entre les deux, mais oui un animateur, ce qu'un animateur de pastoral faisait dans une école par exemple, ben un pasteur fait ça sur un plus gros niveau, a étudié beaucoup plus et ainsi de suite. Mais tu touches un autre des nœuds de la guerre parce que justement les imams sont des espèces de guides spirituels puis une autre chose qui descend. Dans le fond, il y a deux nœuds de la guerre dans ce débat-là. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le financement des mosquées et le deuxième, c'est la formation des imams. Puis c'est la deuxième chose qui choque le gouvernement français, c'est le fait que ben, souvent les imams sont nommés et formés dans des pays étrangers. Donc, les identitaires s'imaginent que donc c'est des pays étrangers qui vont former des gens pour aller radicaliser. Ben oui, c'est de la propagande. Hein? Ben c'est exactement le nœud du débat dans ce cas-ci. Mais c'est quand même ça, c'est un peu être déconnecté de la réalité de penser ça. Oui, ils sont formés à l'étranger parce que les centres d'études coraniques sont pas nécessairement, les meilleurs sont pas nécessairement en France. Il y en a très peu en France, en fait. Là encore, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il ne doit pas en avoir beaucoup. Là. Fait que oui, ils vont se former dans d'autres pays, mais c'est comme de dire que ça reviendrait un peu au même de dire que, mettons, un Canadien qui va, qui va étudier en médecine aux États-Unis ou qui va étudier en génie au MIT, par exemple. On va donner cet exemple-là. Il revient après ça, mettons, au Québec, enseigner ce qu'il a appris au MIT à l'université puis travailler pour des compagnies. Mais avec sa formation qu'il a eue aux États-Unis ou au MIT, c'est de la propagande d'un autre pays. Voyons donc, c'est pas... Oui, puis de toute façon, ils veulent faire ça comment? Ils vont ouvrir des écoles publiques d'études coraniques. C'est l'État c'est qui va former puis qui va décider c'est qui? Je veux dire, ça n'avait pas très bien fonctionné dans le temps que c'était l'État qui nommait le clergé. Non, c'est ça. On se rappelle comment ça a fini. Hein. Tu sais, si vous ne savez pas ouvrir un livre d'histoire de la Renaissance, vous allez en apprendre des belles. Les Borgia, entre autres, c'est intéressant. Bref, je pense qu'on a un peu fait le tour là-dessus. On ramène une chronique des dernières saisons, en fait. Les chroniques du Trumpistan, en fait. Faudrait bien qu'on ait un bumper pour ça, maintenant, hein? C'est pas pire. Hein? Ouais, c'est ça, chronique du Trumpistan. Ben c'est en fait, on a déclaré nous que les États-Unis d'Amérique étaient décédés avec le début du règne de Trump Ier. Et c'est maintenant devenu le Trumpistan. Bref, cette semaine, une histoire ma foi magnifique. C'est qu'une chose est revenue dans l'actualité, c'est la rumeur selon laquelle Trump aurait eu des relations charnelles avec une certaine Stormy Daniels, qui est en fait une porn star. En 2006, alors que ça faisait à peu près un an qu'il était marié avec l'actuelle première dame, c'est-à-dire Melania Trump. Ah, c'est pas Ivanka? Non, c'était Ivanka, c'est sa fille. Mais c'est ça, c'est elle la première... Non, c'est une boutade. Ah, OK, tu voulais dire c'est Ivanka la première dame. Oui. Ouais, OK, de ce sens-là, ouais, c'est... On peut en parler longtemps de comment est-ce que Melania et Madame Trump et première dame en titre, mais très peu en acte. Mais bon, ça c'est toute une autre histoire. Bref, cela a pu faire scandale lors de la campagne électorale, entre autres, parce que on le sait, les États-Unis c'est encore très très chrétien, donc l'adultère c'est très mal vu. Il y avait les différentes femmes qui étaient sorties pendant la campagne présidentielle à propos d'attouchements que Donald Trump aurait desquels Trump les aurait affligés, si je peux dire ça ainsi. Room talk. Ouais, c'est ça. Hein? Grab him by the... c'est ça. Donc, ça a été nié pendant la campagne électorale, mais pourquoi est-ce qu'on en reparle? C'est que Michael Cohen, l'avocat personnel de M. le Donald, se fait questionner sur un chèque de 130 000 $ remis à Mme Daniels en 2016, en pleine campagne électorale. En fait, à l'origine, pourquoi est-ce que ça a été discuté? C'est parce qu'en en fait, on n'était pas certain si ça ne serait pas une contribution illégale à la campagne présidentielle de Trump. Parce que, chose importante, ça avait été fait un peu au nom de Donald Trump, ce chèque-là, mais c'était parti d'un compte de M. Cohen lui-même, donc de son argent personnel. Donc, c'était comme un genre de don à sa campagne. Fait que là, il y a eu des discussions, savoir est-ce que c'était légal ou non en termes dans les normes de campagne américaine. Cohen admet là, avoir donné cet argent-là, puis tout. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Madame Daniels considère qu'elle n'est plus liée par son engagement de confidentialité, parce qu'il y avait un engagement de confidentialité. Puis le fameux 130 000 $, c'était pour Castèze. Donc là, à cette heure qu'il a avoué qu'il avait donné de l'argent à elle, elle a fait « moi, je veux pas de problème. OK, on va dire la vérité à cette heure. » Donc, il y aurait eu quand même... Il y avait une déclaration qui a été faite au nom de Stormy Daniels comme quoi est-ce qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec Donald Trump. Ça, c'était à la fin janvier. Par contre, la même journée, elle était sur le plateau de Jimmy Kimmel, puis elle a elle-même désavoué cette déclaration-là, parce qu'entre autres, on avait une copie de la fameuse déclaration dans les mains, puis elle a dit... a montré ses signatures à côté, entre autres, parce que c'est une porn star relativement connue, en fait, avec des exemples de ses signatures, mettons, quand elle signe pour ses fans ou quelque chose comme ça. Ça avait pas du tout... La fameuse signature sur la déclaration ressemblait pas du tout à la sienne, mais même pas proche. En fait, ça ressemblait vraiment à une signature très générique de « on a seulement écrit son nom en lettres attachées là, assez rapidement, là, alors qu'elle a des gens de comme n'importe quelle signature de quelqu'un qui signe souvent, on finit toujours par avoir des petits dessins dedans, là, une espèce de forme spéciale pour certaines lettres, ainsi de suite. Calligraphie, qu'on dit. Calligraphie, exactement. Donc, tout ça est assez drôle, on va se le dire. Donc, c'est un peu pour ça qu'on ramenait... Ça rajoute un peu au sordide de la présidence Trump. Je trouve que ça va tellement avec le personnage, là. En tout cas... Je trouve ça magnifique. Bref, Lucas, tu avais un petit truc à dire aussi un peu plus sérieux par rapport à la politique américaine, je crois. Ben, moi aussi, je suis fâché. Ah ouais? Ouais. Parce j'ai pas dit que j'étais fâché, mais je trouve ça magnifique, en fait. OK. Hein, mais... Ben, moi, je suis le seul qui est fâché, d'abord. OK. Parce qu'on a appris que, bon, un rapport de la NASA qui a été rendu public, qui révèle que la Maison-Blanche envisage de privatiser la Station spatiale internationale graduellement à partir de 2024. Ah oui, ça, c'est fâchant, ça. Ben ça fait de la peine à mon cœur de geek et d'enfant de 8 ans mm-hmm. qui veut aller sur la Lune un jour, ou sur Mars, ou peu importe. Le seul espoir encore... pour la conquête de l'espace, c'est qu'Elon Musk décide de tout racheter ça. Je pense que c'est la seule possibilité qu'il y a de l'allure. Fuck Elon Musk. Est-ce qu'à ce point, les moyens, parce que la NASA, ça a l'air très gros comme agence. Oui. Est-ce qu'il a absolument les moyens d'acheter ça? Et d'abord, l'expertise scientifique qu'il y a derrière ça, ça ne s'achète pas d'une certaine manière. L'expertise est déjà presque... Il y a déjà beaucoup de l'expertise qui est au privé, par exemple. Tous les transports entre la Terre, notre belle planète bleue, de moins en moins bleue, et les stations spatiales sont déjà faits par le privé. Donc, il y a déjà de l'expertise. Puis bon, on peut déjà se rappeler là, la voiture Tesla qu'Elon Musk a quand même envoyée dans l'espace la semaine passée. Là, ouais, avec... Pourquoi on n'en a pas parlé dans le tour de table, ça, en fait? Ah, fuck Elon Musk. Bon. Mais bon, c'était quand même les plus gros missiles balistiques à avoir été envoyés de l'histoire. Donc, il y a quand même une expertise là, mais c'est pas juste ça qui est dommage. C'est que, bon, déjà, c'est quoi la Station spatiale internationale? C'est pas juste un bidule qui flotte alentour de la Terre, là. C'est un symbole de coopération internationale, là. Je veux dire, faut quand même pas oublier là, pourquoi, à la base, on a décidé de se lancer dans la course à la Lune. C'est une question de diplomatie, genre, c'est comme, hey, au lieu d'investir pour se détruire, on pourrait comme... détourner le sujet de conversation puis juste comme faire une course vers la Lune. Puis si on veut que l'histoire du film Valériane finisse par arriver, ben faut l'augmenter, cette station spatiale-là. Ça, il y a 4 personnes qui ont compris la référence, mais c'est pas grave. Mais c'est ça. C'est un peu comme un clou dans le cercueil de l'idée de l'espace comme appartenant à tous. Là, c'est comme, ben, ça va être le privé, finalement, qui va gérer l'espace parce que le gouvernement, ça leur tente pas puis c'est cher. Mais en plus, c'est même économiquement parlant, c'est stupide parce que pour construire la station spatiale, ça l'a coûté 100 milliards de dollars. Puis j'ai presque envie de le dire avec la voix là, de... 100 milliards de dollars! C'est ça, Dr. Terreur. 100 milliards de dollars qui est investi pour la construire. Puis là, présentement, là, l'entretien, là, c'est 150 millions par année. Fait que là, c'est beaucoup, là. Mais dites-vous là, qu'on va augmenter de 6 fois ça le salaire des médecins québécois. Fait que, tu sais, c'est pas si pire, là. Ils ont construit une belle bébelle, là, puis un coup que, genre, c'est construit, puis que ça va bien, puis que, oups, on commence à faire des recherches, puis à découvrir des choses, ben, teinte privée, ça nous coûte trop cher, 150 millions. T'sais, ils ont investi 100 milliards de dollars pour le faire. C'est, économiquement, même, ça n'a aucun sens. Puis on bénéficie de ça, là, pas juste pour les raisons de diplomatie, là, je veux dire, la recherche qui est faite pour développer toute l'ingénierie dans l'espace, on s'en sert dans nos vies de tous les jours. En médecine, en pharmacologie, il y a plein de découvertes qu'on fait à cause qu'on est obligé de chercher pour des conditions extrêmes dans l'espace. Présentement, c'est quoi qu'ils sont en train d'étudier sur la Station spatiale internationale? C'est les imprimantes 3D. Ils essayent de voir avec les imprimantes 3D à quel point ils peuvent faire des espèces de trucs en open source pour que les gens puissent s'imprimer qui vont être utiles dans la vie de tous les jours pour pas avoir besoin de lancer une fusée à la Station spatiale à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui brise. C'est comment est-ce qu'on peut rendre l'imprimante 3D la plus accessible et facilement utilisable par n'importe qui pour, ben, s'il y a quelque chose qui brise, ils ont juste à s'en imprimer une autre pièce puis à aller la réparer. Je veux dire, c'est de la recherche qui bénéficierait sur le long terme à absolument tout le monde. Et sur cette belle parole pour l'avancement de l'humanité qu'on sent encore qu'on l'échappe un peu, on va aller en pause avant que Lucas se mette à positionner puis à devenir rouge. Rebonjour, cher public, vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission officielle de la révolution macronienne sur les ondes de C'est fou 89.1. Avant la pause, on vous parlait des démêlés de Trump avec une porn star et le projet d'islam d'État du président français. Un sujet que l'on voulait aussi aborder aujourd'hui, par contre, c'est aussi celui de la responsabilité des réseaux sociaux vis-à-vis de leur contenu. Pourquoi on parle de ça? parce que, dans le fond, je vais reprendre mon souffle après mon retour de pause. Bon, pourquoi on parle de ça? C'est que cette semaine, en fait, on a appris que Unilever, qui est une compagnie là, qui fait beaucoup de produits, ils possèdent entre autres Lipton, Axe, un paquet de choses, ils n'aiment pas ça, comment ça se passe, ces réseaux sociaux, sur les médias sociaux et ainsi de suite. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Keith Weed, chef du marketing pour Unilever, il a fait une conférence dans laquelle il disait qu'il manquait les grandes compagnies des médias sociaux comme YouTube, Facebook, sans, il les a pas nommés, mais on savait très bien que c'était deux autres qui parlaient. D'un, il manque de transparence, beaucoup, sur la manière qui gère le contenu. Il y a aussi le problème de justement cette gestion-là du contenu, c'est-à-dire il y a beaucoup de fake news, il y a de l'incitation à la haine, il y a du contenu douteux, entre autres, ciblé vers les enfants. Il y a eu une trend, entre autres, sur YouTube de faire des chaînes YouTube où ce que c'est présenté comme si c'était des vidéos pour enfants, puis même l'algorithme de YouTube les mettait dans les catégories pour enfants, mais en fait, c'était des vidéos de gens en train de se faire scier le crâne puis des choses comme ça. Ouch. Donc, c'est ça. Ça, il y a eu le fameux Adpocalypse, d'ailleurs, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Mais c'est ça. Puis, généralement, en fait, M. Weed disait que, ben, on remarque une érosion de la confiance du public et même du lien social, dans le sens qu'il y a de l'incitation à la haine. Il y a beaucoup de propagande raciste qui passe par les médias sociaux. Et les fameux médias sociaux ne foutent rien par rapport à ça. Puis là, rappelons là, que c'est le chef du marketing pour une multinationale. Probablement qu'on peut trouver beaucoup de choses croches par rapport à cette compagnie-là. Ils ont probablement une tonne de lobbyistes, mais eux autres même disent « Ça me manie, c'est parce que c'est rendu dangereux pour la démocratie, là, le manque de responsabilité de ces affaires-là. » Donc, pourquoi on parle de ce que lui en pense? Unilever, comme je disais, c'est une des plus grosses compagnies au monde de produits de consommation. Comme je disais, du savon, de la nourriture, c'est tout des trucs consommables, là, mettons. C'est aussi, dans le monde, le deuxième plus gros budget marketing pour une compagnie. C'est 9,8 milliards US uniquement de marketing par année. Puis il y a 25 % de ce 9,8 milliards-là, donc grosso modo 2,4 milliards, qui va en achat de pubs sur des médias électroniques. Donc, YouTube, Facebook, ainsi de suite. De plus, il faut aussi rappeler que l'écrasante majorité des revenus à la fois pour YouTube, Facebook et tous les médias sociaux, ben, c'est de la vente de pubs. On se rappelle, comme je disais tantôt, le fameux Adpocalypse sur YouTube où ce que YouTube ont décidé de du jour au lendemain serrer la vis très très rapidement sur les contenus douteux, mais ce qui a donné un peu l'effet inverse que il y avait beaucoup de démonétisation de vidéos qui étaient complètement aberrantes, qui n'avaient pas tellement rapport. Il y avait des cas extrêmes, là, de mettons, des YouTubers qui parlent des nouvelles, entre autres, puis qui parlent qu'il y a eu, mettons, une tuerie en quelque part, puis qui se font démonétiser à cause de ça, parce que, ben là, t'as parlé de tuerie, ouais, mais je parle des nouvelles, c'est juste normal. Puis pendant ce temps-là, si la chaîne YouTube de CNN montrait des images de ça, ils se faisaient pas démonétariser. Bref, il y a eu des gros problèmes avec ça. YouTube, on gérait ça tout croche. Il y a aussi plus récemment l'histoire de Logan Paul, qui est le plus gros YouTuber présentement, avec l'histoire là, du vidéo là, qu'il a faite où il trouvait un cadavre suicidé dans une forêt puis qu'il faisait des blagues avec ça. Il y a eu des conséquences, mais on avait l'impression que YouTube était très, très complaisant par rapport à ça parce qu'il est payant, mais en même temps, si la complaisance de YouTube vis-à-vis de ce YouTuber-là qui crée quand même beaucoup de vues, veut pas, sur le site, là, qui attire des gens sur le site, ben si les annonceurs disent ben OK, c'est bien beau que ça amène des vues, mais on veut pas être vu, on veut pas que notre produit soit associé à ça, on veut pas que ça soit sur ces vidéos, ben ça met quand même YouTube dans le chenoute. Fait là, c'est pour donner un peu le contexte. Il, mais il s'est fait désactiver son compte, hein, finalement, d'ailleurs. Ouais, mais temporairement. Parce qu'il a taisé un ouais, bas. Ouais, il a fait ça aussi. Là. Ouais. Là, il a fait une petite tournée là, de premièrement, d'entrevue bidon, là, où il fait donc pitié, puis il est donc triste, puis il a donc grandi de ça, puis tout. Ensuite de ça, il a fait une petite tournée de charité, puis là, bon, à cette heure qu'il avait bonne conscience, ça n'a pas pris deux semaines, là. Il a recommencé à faire des vidéos niaiseux, ce qui fait de la... Ben là, dans ce cas-là, c'était de la cruauté envers des animaux. Puis c'est pas ses premières niaiseries qu'il fait, là. Logan Paul, je veux dire, sa carrière est axée, lui et son frère, d'ailleurs, là, Jake Paul. Les deux, leur carrière, c'est de faire des niaiseries pour attirer des vues, puis c'est des niaiseries pas très drôles, là. C'est mettre le feu à des affaires, des choses comme ça. Là. Bill Boyd qui considère le frère de Logan Paul comme un... Parce qu'il fait du rap, le petit frère, et comme un artiste à surveiller. Ouais. Autre temps, autre merci. C'est noté, en fait. Ou pas. Ouais. Logan Paul lui-même fait des vidéos. Là, il fait pas une des vidéos, en fait. Il est acteur aussi. Là. Ah. Mais justement, il y avait une série qui était pour être tournée autour de lui là, par YouTube Red, là, qui est un peu le truc un peu plus semblable, mettons, l'équivalent des Netflix Originals de YouTube. Là, c'est-à-dire que c'est pas disponible au Canada, en fait, encore, là, mais c'est vraiment là, des séries là, plus traditionnelles produites par YouTube. Donc, finalement, il s'est fait retirer ça, mais on a l'impression, en fait, ça avait pas été dit que c'était retiré complètement, c'était plus pour être temporaire, finalement. Puis là, c'était un peu comme si YouTube essayait de donner l'impression qu'il sévissait contre lui, mais que par en dessous, c'était « Regarde, attends que ça passe, puis on va te redonner tes privilèges, puis tes... » Fait que là, finalement, il y a un appel à ce que ça soit pris beaucoup plus au sérieux, ce que... Bon, YouTube, comme je disais, je parle de YouTube en particulier parce que simplement, où ce que je prends mes informations sur ces questions-là, c'est plus de YouTube qui parle parce que c'est des YouTubers. Mais on peut tout ce qu'on dit là, il y a des exemples identiques avec par rapport à Facebook à la place. Puis là, ben, on se dit en même temps, c'est quoi le pouvoir que ces compagnies-là, que ces réseaux sociaux-là ont sur ce contenu-là. Une affaire qui avait été dit par YouTube, c'est qu'il y a tellement de vidéos uploadées sur YouTube constamment qu'ils ne peuvent pas avoir assez de modérateurs humains pour passer à travers de toutes ces vidéos-là parce que c'est à chaque seconde s'upload sur YouTube plusieurs jours de vidéos. À chaque seconde. Ce qui fait que bon, ça prend à un moment donné des machines qui font un genre de pré-triage de qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut ne pas prendre. Qu'est-ce qui devrait démonétiser ou non. Puis ce qu'il disait, c'est que ben, Google, qui est la compagnie mère de YouTube, Google fait beaucoup de recherches en intelligence artificielle, entre autres pour les fins de ces besoins-là, en fait. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'il y a un algorithme de YouTube qui ont amélioré beaucoup dernièrement, qui travaillent toujours dessus, mais c'est que quand on met des nouvelles règles dans l'algorithme, dans le fond, comme ce qui avait eu lieu pendant le Adpocalypse, ben faut que l'algorithme apprenne. Il y a un fine-tuning automatique, entre guillemets. On appelle l'apprentissage profond. Exactement, le deep learning. Ouais, qu'il y a à peu près personne qui utilise le terme français, là, c'est pour ça que je me permets l'anglicisme. Désolé, c'est mon domaine. c'est ça. Mais en même temps, on se dit qu'il y a ça d'un côté, puis c'est pour ça que je voulais parler de responsabilité de ces médias-là. Mark Zuckerberg de Facebook a lui-même fait un post dernièrement sur sa page personnelle sur Facebook pour dire que, en fait, il réalise qu'il a fait beaucoup d'erreurs avec Facebook. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait dû faire différemment. Il n'a pas parlé de ce cas-là en particulier, simplement parce que son post était un peu avant que ça sorte, en fait. Mais on a peut-être l'impression qu'il l'a vu venir. Puis c'est pour ça qu'il a peut-être dit ça. En même temps, on a toujours l'impression que, moi j'aime bien cette expression-là, les bottines ne suivent pas tout le temps les babines. Hein? C'est bien beau de faire des mea culpa puis tout. Ça, d'ailleurs, les hauts placés de Google puis de YouTube sont bien forts là-dessus, mais on a tout le temps l'impression que le progrès se fait pas très vite. Puis là, on parle de moyens techniques qui sont longs à développer et ainsi de suite, mais je vais donner un contre-exemple assez facilement. On a vu ça la semaine dernière. En fait, Netflix qui contacte un de ses utilisateurs parce que... Ouais, t'allais dire quelque chose, Lucas? Ah, c'est une fausse nouvelle, finalement. Ah, c'est pas vrai? C'est une fausse nouvelle, c'est juste que même les médias traditionnels sont tombés dans le piège. Eh bien. Netflix a démenti, mais c'est quand même très intéressant. Tu peux raconter, ben, c'était en fait intéressant comme point de vue. C'est que ce qu'il disait, c'est que Netflix, en fait, aurait contacté la fameuse... On va le dire, c'est une fausse nouvelle, apparemment, je viens de l'apprendre. Ça m'apprendra à... C'est un truc que je mettais comme une virgule, là, mais ce qui était la fameuse fausse nouvelle, c'est que Netflix aurait contacté un utilisateur qui avait écouté l'ensemble des épisodes de The Office en dedans à l'intérieur d'une semaine. Donc 188 non-stop. Épisodes. Ouais, de 22 minutes, mais quand même, ça fait presque du non-stop pendant plusieurs jours. La fameuse fausse nouvelle, ça allait comme suit, c'est que Netflix aurait contacté cet utilisateur-là pour s'enquérir de son état de santé. Puis finalement, ce qu'on avait rendu compte, c'est qu'il était en train de devenir suicidaire, puis que c'était quelqu'un qui faisait une dépression. Fait que finalement, s'étant fait contacter, ses proches l'auraient amené à l'hôpital, puis tout. Mais là, finalement, on apprend que c'est pas vrai, là. Non, c'est ça. C'est une personne qui s'était qui avait raconté cette histoire-là, comme quoi ça y était arrivé personnellement, puis que c'est une bonne chose que Netflix avait fait ça, que ça y avait fait prendre conscience à lui-même, que blablabla, blablabla, blablabla. Finalement, c'était pas vrai. C'était quelqu'un qui voulait de l'attention. Mais le pire, c'est que envoyer un message automatisé, tu sais, Netflix font déjà un truc sur plusieurs de leurs applications, c'est que si tu laisses le prochain embarquer tout le temps, Netflix te demande est-ce que vous êtes toujours là, puis si tu réponds pas assez vite, l'application se ferme. Fait que ça t'empêche de. Ça te force un peu à réaliser que quand tu en écoutes trop d'un coup, mettons, des choses comme ça. C'est des petits détails comme ça. Une chose que j'aime bien comparer avec ça, c'est quand j'étais très jeune, il y avait un jeu qui s'appelait EverQuest, qui est un peu l'ancêtre de World of Warcraft. EverQuest avait dû... C'était un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. En fait, ça a été le premier gros MMORPG. Il avait été obligé de mettre des c'était sur une base volontaire, mais c'est quand on commençait à parler du fait de gamer ou d'être sur Internet comme quelque chose qui s'approchait plus à de l'abus de substance que vraiment un comportement sain, mettons. Puis EverQuest, qui est un jeu fait par Sony à l'origine, avait été obligé dans le jeu d'intégrer des mécanismes pour quand les gens passaient trop de temps devant le jeu pour leur dire « Hey, ça fait 13 heures que tu joues, on va te lock out de ton account pendant une couple d'heures. Va te laver, mange de quoi. » Mais c'est quelque chose qui se faisait, je veux dire, j'étais au secondaire, là, on parle du début des années 2000 là, déjà, là. Mmh. Oui, c'est possible pour une entreprise d'être responsable. C'est possible d'être responsable. On se demande qu'est-ce que ces grosses compagnies-là qui ont... On s'entend, là, s'il y a un futur dystopique qui s'en vient proche où il y aurait un gros conglomérat de compagnies qui contrôle le monde, il y a des bonnes chances que ça serait Google. Google commence à ressembler pas mal à ça. ils ont les moyens, ça reste des compagnies les plus riches au monde. Ils sont en train de développer les intelligences artificielles... probablement les plus complètes présentement dans le monde, je veux dire. Ben, il y avait déjà Alexandre Taillefer qui avait parlé justement que les médias sociaux devraient, dans leur algorithme, apprendre à détecter les personnes en situation de détresse puis d'agir, de faire quelque chose. Parce que c'est pas juste des questions des situations de détresse. On en avait parlé à l'émission. Une des choses, un des problèmes communs présentement, c'est la revenge porn. L'utilisation contre le gré d'une personne, d'une image sexualisée de cette personne-là. Pas de problème. Ce qui arrive avec ces affaires-là, c'est que Facebook a lancé en fait un espèce de programme bêta. Ils ont lancé ça, c'est en Australie. Dans le fond, ce qu'ils offrent aux gens, c'est de prendre... admettons qu'il y a une photo de toi nue que tu sais que, disons, ton ex a... ce que Facebook propose dans cette espèce de bêta-test-là, c'est t'envoies Facebook ta photo de toi nu en disant « ben cette photo-là, j'ai peur que mon ex me fasse du revenge porn puis la publie. » Donc, après ça, l'algorithme prend la photo et aussitôt que cette photo-là est uploadée à quelque part dans Facebook, c'est automatiquement bloqué. Donc, désolé pour le chat dans la gorge. Effectivement, c'est ça. Puis en même temps, ça a été beaucoup critiqué parce que c'était trop tard. De un, c'est encore en projet très, très bêta. Puis ça créait un paquet de problèmes. Puis en fait, c'est encore Facebook qui se dédouane un peu de sa responsabilité par rapport à ça, par rapport à comment est-ce que leur site est utilisé. Parce que ça reste que c'est la victime qui doit faire toutes les démarches. Puis c'est la victime qui doit se mettre même en situation de vulnérabilité par rapport à Facebook. Parce que là, ce qui arrive, c'est que cette image-là, d'un, la vulnérabilité ne serait-ce que de donner une de ses photos nues à une corporation anonyme comme ça, de un. Ils ont beau dire que personne ne les regarde et que c'est juste pour l'algorithme qui va voir la photo. Mais la sécurité là-dessus, c'est sûr que c'est impossible qu'il n'y ait personne d'autre qui la voit, cette photo-là. Là. Ne serait-ce que pour vérifier ce qu'il en est exactement, parce que sinon, il y a plein de monde qui uploaderait un paquet de photos et qui dirait « ben regarde, tu sais, il y aurait un paquet de manières de contourner ça s'il n'y a pas d'humain à travers de ça qui jette un coup d'œil dessus. » Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va le voir. De plus, le côté ne serait-ce que sécuritaire de ça, on le sait, là, des serveurs, c'est pas imprenable. C'est arrivé par le passé. Là. Souvent, là, il y a eu le fappening puis plein de choses comme ça, là, que des photos qui étaient contenues sur le iCloud, entre autres, de vedettes qui avaient été volées. Mais si il y a un serveur il y a une couple de serveurs de Facebook en quelque part qui a beaucoup de photos qui sont plein de photos nues de plein de gens qui ont envoyé pour se sécuriser de ça, ben on s'entend qu'il y a quelqu'un qui va trouver le moyen d'aller le chercher, ce serveur-là. Là. Fort possiblement. Ne serait-ce que peut-être même un employé à l'interne de Facebook ou des choses comme ça. Oui, puis pourtant, c'est que même quand ils ont des demandes, tu sais, en bonne et due forme, de faire des choses comme ça, Facebook le fait pas. C'est Radio-Canada sortait hier une enquête par Jeff Yates, que j'adore, sur les arnaques amoureuses sur Facebook. Ils retraçaient un peu la vie de plusieurs personnes qui se sont fait avoir. Ils disent, la plupart du temps, c'est des femmes dans la 40-50aine qui viennent de devenir soit veuves, soit récemment divorcées, qui se font hameçonner, par des faux profils, puis qui deviennent amoureuses de ces faux profils-là, puis qui se font mener en bateau, puis qui en vont jusqu'à hypothéquer leur maison pour leur donner de l'argent en disant « Oui, prends l'avion, viens me voir, etc. etc. » Et ce que Jeff Yates a fait, ce que l'enquête a fait, c'est qu'ils ont trouvé les photos utilisées par ces hameçonneurs-là. Puis ils ont retrouvé la personne à qui ces photos-là appartenaient. Et c'est un Lorrain en France, un pauvre type, un ancien militaire qui lui essaie de vivre tranquille chez eux. Puis il dit au moins une fois par jour, il y a des gens qui entrent en contact avec lui pour dire « Hey, je t'ai enfin retrouvé, t'as détruit ma vie, etc. etc. » Le type n'a absolument rien à voir avec ça. Là. Ses photos, il s'est juste fait voler son identité, ses photos, etc. Puis c'est ça, lui, il racontait qu'il passe, depuis là, les dernières années, il passe des heures et des heures par jour juste à être sur Facebook, à chercher ses photos pour signaler des comptes. Puis il dit, c'est pas tous ces comptes-là qui sont supprimés. Il y en a qui me disent, non, c'est legit. Il dit, c'est mes photos. Ça fait 2 ans que j'essaie de faire supprimer. Il dit, ils ont rencontré Facebook pour leur dire, regardez, voici l'ensemble de photos que les faux comptes utilisent. Un grand nombre de faux comptes utilisent ces photos-là. Pouvez-vous juste empêcher de créer des comptes avec ces photos-là qui sont moi, qui m'ont été volées? Facebook a dit, on n'a pas vraiment les moyens de faire ça. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Facebook devrait avoir les moyens. Je pense que c'est un peu tout ça qu'on en vient, c'est que en quoi ils n'ont pas les moyens? Non, ils n'ont pas la volonté. C'est ça. Mais est-ce que c'est ça, il y a comme une espèce de trop grande confiance envers les algorithmes qui a fait en sorte qu'au niveau de la responsabilité humaine, c'est devenu complexe et qui gère le Facebook? Est-ce que c'est des gens justement qui ont des lacunes au niveau de l'empathie, au niveau de la psychologie, ou c'est plutôt, regardez, on va reposer tout la psychologie humaine sur des algorithmes? Puis là, en fait, on revient à un autre problème duquel j'ai parlé tantôt, c'est que on pourrait répondre à ta question, David, si on le savait. Parce que c'est l'autre gros problème, c'est la transparence. On ne sait pas comment ça se passe en arrière. On pourrait défendre, mettons, Facebook ou YouTube pourrait se défendre en disant, on veut pas trop expliquer comment ça fonctionne parce qu'on veut pas aider les gens à contourner ce qu'on fait. Mais même à ça, à un moment donné, faut savoir c'est qui est redevable à qui, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, bref, c'est des choses dans lesquelles on remet un peu une bonne partie de notre vie maintenant, puis on se rend compte qu'en fait, c'est un peu comme des châteaux de cartes, ça tient pas à grand-chose. Fait que là-dessus, je pense qu'on a assez fait peur aux gens. c'est déjà tout pour aujourd'hui. Bouh. On va être en rediffusion samedi à 11h et en balado sur notre page Facebook quand on va avoir le temps de le mettre dessus. D'ailleurs, dépêchez-vous d'aller liker la page de La sortie de secours est à votre gauche. On va être de retour la semaine prochaine, jeudi à 18h, avec une toute nouvelle édition de l'émission de La fierté gauche sur les ondes de C'est fou 89.1. D'ailleurs, à C'est fou 89.1, après la pause, Denis Baudin et son équipe de Très Blues à C'est fou nous proposent une magnifique soirée musicale. Restez à l'écoute et à la semaine prochaine.